Le retour des missions habitées vers la Lune avec la planète Mars dans le viseur pourrait induire la présence d'humains dans l'espace pour de longues durées. Pourtant, on le sait, depuis le début des vols habités, l'absence de gravité terrestre a des effets importants sur la physiologie humaine, effets qui pourraient s'accroître et avoir des conséquences désastreuses dans le cadre de voyages spatiaux au long cours. C'est la raison pour laquelle des projets voient timidement le jour pour recréer une gravité artificielle dans des vaisseaux spatiaux qui ne sont pas sans rappeler certaines nefs spatiales mythiques de la science-fiction. Gravité artificielle, tournée manège, c'est le programme spatial qui va nous donner le tournis dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ce sujet à la fois à la frontière entre science-fiction et science, nous sommes en compagnie d'un habitué de la méthode scientifique. Bonjour Roland Lehoucq. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au CEA, co-auteur récemment avec Florence Porcel du livre « L'humain dans l'espace, entre réel et fiction » aux éditions de La Martinière. Nous sommes également en ligne avec Pierre Denise. Bonjour. Bonjour Antoine, bonjour Roland. Vous êtes professeur des universités, praticien hospitalier en physiologie médicale à l'université de Caen, Normandie. Mais avant d'embarquer dans l'espace, il est l'heure de faire un tour d'horizon de l'actualité, elle bien terre à terre, de l'actualité scientifique. Et c'est avec vous, Natacha Triou, pour le Journal des Sciences. Bonjour, bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec une étude parue hier dans la revue Nature Genetics. Nous avons découvert les mécanismes épigénétiques de la résistance aux traitements anticancéreux. Oui, dans le cancer du sein triple négatif, qui est un cancer très agressif, qui représente environ 20% des cancers du sein, la chimiothérapie fonctionne chez beaucoup de patientes, mais 4 patientes sur 10 vont voir leur tumeur revenir, ce qu'on appelle la récurrence. Une équipe française s'est posé cette question. Est-ce que certains composés épigénétiques pourraient aider la chimiothérapie à être plus efficace pour diminuer ce phénomène de récurrence? Alors, sur des modèles de cellules in vitro et sur des modèles animaux in vivo, les chercheurs ont étudié le rôle des modifications épigénétiques, donc les modifications chimiques de l'ADN acquises par les cellules tumorales lors de différentes phases du traitement. Ils ont découvert que des marques épigénétiques peuvent aider les cellules cancéreuses à tolérer ou à résister aux chimiothérapies. Céline Valo est directrice de recherche au CNRS. Elle dirige une équipe à l'Institut Curie dans le département de recherche translationnelle. Elle est la co-autrice de cette étude. Pour faire ça, on a mis en place dans nos travaux précédents en fait, des approches en cellules uniques, c'est-à-dire qu'on est capable d'isoler chaque cellule de la tumeur et d'aller faire une cartographie propre à chaque cellule. Et ça, c'est assez puissant, parce que ça nous permet d'avoir accès à toutes les différences qui peuvent exister entre les cellules tumorales et de bien comprendre la nature de chacune des cellules. C'est comme ça qu'on a commencé à toucher du doigt qu'il y avait certaines marques épigénétiques qui bougeaient dans le génome de cellules qui pouvaient tolérer le traitement. Et on a posé l'hypothèse que c'était potentiellement ces marques qui jouaient un rôle important dans la réponse au traitement. Et puis après, on a testé ces hypothèses en modifiant ces marques in vitro, in vivo, pour essayer de voir si en effet elles étaient déterminantes dans la réponse à la chimiothérapie. Et la réponse fut oui pour certaines d'entre elles. Oui, c'est-à-dire que vous avez découvert que certaines marques régulent le destin cellulaire au début de la chimiothérapie. Exactement. Donc c'est des marques qui sont dites très précises, c'est-à-dire que à poser à un endroit sur un gène en particulier, elles vont empêcher ce gène d'être accessible à la machinerie de transcription. Donc elles vont vraiment réprimer l'expression de certains gènes. Et en fait, on s'est aperçu que la présence de ces marques était un verrou qui empêchait les cellules d'être plastiques ou de réagir au stress thérapeutique. Donc en fait, tant que ce verrou est là, les cellules vont mourir. Il n'y aura pas trop de problèmes. Si ce verrou saute, alors les cellules peuvent faire beaucoup de choses, ont une certaine plasticité et peuvent notamment s'adapter au traitement. Donc il faut vraiment empêcher ce verrou de sauter pour être sûr de maximiser l'effet de la chimiothérapie. Donc aujourd'hui, on en est chez l'animal. On a démontré qu'en combinant la chimiothérapie avec des composés épigénétiques, eh bien on est capable de retarder cette récurrence. Donc maintenant, l'idée, c'est dans le futur d'essayer de transposer ça chez l'homme. Oui, de voir s'il y aurait des traitements épigénétiques qui pourraient être associés aux chimiothérapies. Exactement. Oui, tout à fait. L'idée, c'est pas de remplacer le traitement existant, c'est de le rendre plus efficace à long terme. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude et les suivantes sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Et on passe au bref. Lors d'une conférence, le laboratoire Atara Biotherapeutics a présenté des résultats pour traiter la sclérose en plaques. Oui, à ce jour, il n'existe pas de traitement contre cette maladie auto-immune du système nerveux central. Mais on soupçonne le virus d'Epstein-Barr d'en être la cause. Alors ce n'est qu'une conférence où la société américaine a présenté des résultats très préliminaires d'un petit essai clinique de phase 1 avec 24 participants atteints de sclérose en plaques. Les patients ont reçu un nouveau traitement, ATA-188, une immunothérapie à base de lymphocytes T qui cible les cellules infectées par le virus d'Epstein-Barr. Le traitement a été bien toléré et leur état clinique s'est considérablement amélioré. Pour certains, les scans cérébraux suggèrent que la progression de la maladie a été stoppée. Ces résultats doivent encore être confirmés par des essais de plus grande ampleur. Et le virus d'Epstein-Barr, on y consacrait tout récemment une émission. On va vous partager le lien sur Twitter. En bref, toujours, de nouveaux véhicules spatiaux se développent. Les VTO, les véhicules de transport orbital. Oui, la start-up française ExoTrail va prochainement lancer le SpaceVan. Un véhicule grand comme un réfrigérateur qui permet de livrer des nanosatellites. Une fois délivré en orbite, le remorqueur pourra placer, par propulsion électrique, les microsatellites à destination. Le SpaceVan pourra embarquer jusqu'à 400 kg de charge totale. L'avantage, c'est que ce vol de covoiturage permet de réduire les coûts de lancement. Surtout qu'on estime que d'ici 10 ans, 30 000 microsatellites devraient être lancés. Le premier vol du SpaceVan est prévu en octobre 2023 à bord d'une fusée Falcon 9 de la société SpaceX. Et enfin, selon une étude parue dans la revue PNAS, les singes peuvent percevoir leur propre rythme cardiaque. Lorsque vous sentez votre cœur battre, Antoine, ou vos poumons respirer, ou vos joues rougir, vous faites preuve d'une capacité que l'on appelle l'interoception. Cette équipe américaine a reproduit sur des macaques la même expérience qui nous a permis de découvrir que les bébés humains étaient doués de cette faculté. Les nourrissons, comme les singes, passent plus de temps à regarder des choses nouvelles et inattendues. Dans cette expérience, les macaques ont regardé des vidéos de nuages ou d'étoiles qui pulsaient de façon synchronisée ou non, avec leur propre rythme cardiaque. Les trackers oculaires montrent que les macaques se sont plus attardés sur les images désynchronisées. Cette étude suggère que les primates ont une conscience physiologique d'eux-mêmes. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. La méthode scientifique continue son exploration des projets spatiaux dignes de la science-fiction, mais où la science n'est jamais bien loin. Après notre émission sur l'ascenseur spatial, puis celle consacrée à l'hibernation spatiale, nous allons nous pencher aujourd'hui sur la gravité artificielle dans l'espace. De 2001, l'Odyssée de l'espace à Interstellar, en passant par Star Wars ou Star Trek, il ne vous aura pas échappé que les humains qui voyagent dans l'espace semblent ne pas ressentir les effets de l'impesanteur et donc vivre dans des vaisseaux qui reproduisent une gravité identique à celle de la Terre. Sans que l'on sache toujours bien comment cette gravité artificielle est produite dans ces fictions, elle n'en demeure pas moins, dans un contexte de voyage habité au long cours vers Mars, un élément indispensable pour des raisons que nous allons exposer tout au long de cette heure avec Roland Lehoucq et Pierre Denise. Mais avant d'embarquer pour ce vol en gravité reconstituée, rejoignons un autre équipage, c'est celui de Tintin dans On a marché sur la Lune. Venez, venez à ma place, vous verrez. Admirez-la dans toute sa splendeur et de grâce, ne touchez à rien. Une erreur pourrait nous projeter contre l'astéroïde. Oh, c'est inouï! Alors ce gros caillou, c'est Adonis? Du bon, et viens voir ça! Bah, attention, votre canne! À la Lune. Hein? Qu'est-ce que c'est? Tonnerre de Brest, en voilà des manières! Alors, pas de blague, dans mon verre et plus vite que ça! Allez! Mais ça va, qu'est-ce que je fabrique ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Et en baissant cette manette, vous avez coupé le moteur atomique et supprimé du coup la pesanteur artificielle créée par l'accélération qui nous permettait de nous mouvoir dans cette cabine de même façon que sur la Terre. Voilà pourquoi nous flottons. De grâce, professeur, pas de cours de physique maintenant. Il faut remettre le moteur en marche. Je ne vous promets rien, mais je vais essayer d'arriver aux commandes. Je l'ai. Attention, tenez-vous bien. Nous tenons. Regarde, Milou. Ça, c'est du sport. C'est parti. Mille milliards de mille sabords. Non, mais c'est pas bientôt fini. Bizarre, nous tenions pourtant bien. Allô, ici la Terre. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé, Roland Lehoucq, puisque le professeur Tournesol n'a pas eu le temps de développer son cours de physique? Je vais vous demander de le reprendre au vol. Pourquoi, alors que l'équipage de Tintin et consorts ressentait un effet de la gravité dans la fusée qui les emmenait vers la Lune, au moment où l'accélération s'est interrompue, tout le monde a ressenti d'un coup la pesanteur? Alors, Tournesol, il a parfaitement donné la réponse. C'est l'accélération de la fusée, les moteurs atomiques de la fusée qui la propulse en permanence. C'est une fusée très spéciale, celle de Tournesol. Elle propulse, elle est propulsée en permanence, elle se retourne, elle décélère, elle se pose sur la Lune. C'est pas comme nos fusées actuelles qui envoient le projectile, si je veux dire, la capsule en vol balistique. Elle est propulsée initialement, puis elle vole sous le seul effet de la gravité de la Terre et de la Lune, avec l'impulsion initiale, et puis ensuite elle manœuvre pour se mettre en orbite et se poser sur la Lune. Donc là, la fusée de Tournesol est propulsée en permanence, et il nous dit, en coupant l'accélération, en coupant les moteurs atomiques, vous coupez l'accélération qui crée cette pesanteur artificielle. Et bien quand il dit ça, il ne fait qu'exprimer une chose qui est en fait contenue dans ce qui s'appelle la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui est l'équivalence entre gravité et accélération, équivalence locale dans l'espace sur un... Pas trop grande zone, et dans le temps, pas trop longtemps, on ne peut pas déterminer si on est soumis à l'accélération d'une planète, par exemple, ou à une fusée qui décolle verticalement. Dans ce studio, par exemple, où nous ne voyons pas l'extérieur, on ne peut pas savoir si la maison de la radio est effectivement posée sur le sol terrestre, ou si elle est déjà dans une fusée qui a décollé au début de l'émission et qui nous propulse vers ce que nous appelons le haut, vers le plafond, avec une accélération exactement égale à celle de la pesanteur de la Terre. Je dis localement, si le studio n'est pas trop grand et si on n'attend pas trop longtemps, si on avait des instruments appropriés, on pourrait se rendre compte de la différence, mais en première intention, c'est pas facile. Et ça vient d'une chose, une constatation expérimentale, qui est l'universalité de la chute libre. Les objets tombent de la même façon dans les champs de pesanteur, si on oublie les frottements qu'ils peuvent avoir résiduels sur l'atmosphère, par exemple, sur l'air de notre planète, tombent de la même façon dans les champs de pesanteur, quelle que soit leur masse ou leur composition. Mmh. Donc c'est une fameuse expérience d'ailleurs qui a été reproduite sur la Lune. Mmh. C'est l'expérience, on la trouve sur Internet avec l'expérience qui s'appelle Feather Hammer, la plume et le marteau. On va partager la vidéo. Un marteau de géologue et une plume de faucon, le module s'appelait Falcon, lâché en même temps par l'astronaute sur la Lune, où il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'atmosphère, tombe exactement en même temps sur le sol. Alors c'est une expérience assez qualitative faite sur la Lune, on peut la faire de manière beaucoup beaucoup plus précise sur Terre, et même en orbite. Le satellite Microscope a vérifié effectivement que deux cylindres de métal de composition et de masse différentes tombaient, étaient soumis à la gravité de la Terre de la même façon, alors qu'ils étaient pourtant différents de toutes les façons imaginables, de la même façon, avec une précision relative remarquable qui était mieux que 10 puissance moins 14, mieux qu'un millionième, presque un millionième de milliardième, 10 fois un millionième de milliardième. Donc, les objets tombent de la même façon dans les champs de pesanteur. Alors, ça explique une première chose d'abord, que l'impesanteur, ça n'est pas la disparition de la gravité, c'est au contraire être pleinement soumis à la gravité et seulement à elle. L'exemple de Tintin. L'impesanteur, c'est ce que ressentent les astronautes dans la station spatiale internationale. L'impesanteur ou la L'apostrophe apesanteur. Mmh. Alors je préfère dire impesanteur, on ne risque pas de confondre L'apostrophe apesanteur avec L.A. pesanteur. Mmh. Comme ça, impesanteur, on comprend bien le son, enfin le mot dont je parle. L'expérience, elle est encore due d'une façon à Einstein. C'est ça l'expérience de pensée cruciale qui lui a fait élaborer les premières étapes de la relativité générale. C'est, il dit, c'était la pensée la plus incroyable de ma vie qui m'a fait une forte impression, et je m'imaginais tombant d'un toit et ne ressentant plus mon propre poids. Je tombe du toit. Donc il est en chute libre, et je ne ressens plus mon poids. Ça, pour comprendre que la gravité semble avoir disparu quand on est en chute libre, on peut le voir d'une autre façon, dans un ascenseur qui se décroche, par exemple. Ce qui n'arrive pas tous les 4 matins. Ce qui n'arrive pas tous les jours. Voilà, heureusement. Donc, vous êtes promis à une mort certaine. Inutile de hurler, ça ne sert à rien. Faites de la physique avant l'écrasement total. Vous avez quelques secondes, probablement moins que 2 secondes pour faire ça. Vous avez dans votre main un objet, les clés de chez vous, par exemple, vous êtes en chute libre. Les clés tombent avec vous, bien sûr, vous les tenez en même temps que vous tombez. Mais si vous les lâchez pendant cette chute libre, les objets tombent de la même façon dans les champs de pesanteur, donc les clés vont continuer à accompagner votre mouvement de chute, On oublie les effets de la friction atmosphérique, on les néglige dans un premier temps. Et donc, vous allez voir dans votre chute-trib, les clés, littéralement, rester devant vous. Si vous les regardez, elles vont être devant vos yeux. Elles ne vont pas tomber ni plus vite, ni plus rapidement, ni moins rapidement que vous. Et vous avez l'impression, alors que vous les avez lâchées, qu'elles ne tombent pas en réalité. Mmh. Et que vous et les clés, vous êtes littéralement non soumis à la gravité, alors qu'en fait, vous y êtes pleinement soumis. Mmh. Donc cette accélération équivalente à la gravité artificielle dont nous parle le temps de sol, elle a un pendant qui est chute libre, c'est la disparition. En somme, si on avait effacé la pesanteur, comme si on avait effacé la gravité, alors qu'en fait on y est pleinement soumis, si on est soumis qu'à elle, on est en chute libre, et elle semble avoir disparu, alors qu'en fait on y est pleinement soumis. Les astronautes dans la Station Spatiale Internationale sont eux-mêmes en chute libre. Absolument. Alors, ils sont en chute libre. Alors, c'est vrai que le mot chute libre, chute, on imagine quelque chose de très rapide et de très... D'abord rapide, et puis surtout, ça se finit. Oui. On a toujours, nous, dans l'idée, sur Terre, telle que nous sommes, qu'une chute, c'est... On chute et à la fin, on heurte le sol. En réalité, on peut être en chute libre longtemps, d'abord si on saute de très haut. Alors, il y a toujours, il y a l'affrottement, les frottements atmosphériques qui, bien sûr, perturbent le mouvement, mais on pourrait être en chute de très haute altitude. Et donc, on réalise aussi que ce qui est dangereux, c'est pas tellement la chute elle-même, c'est l'arrêt de la chute. Quand on vous arrête dans le sol vous arrête dans votre chute, et là, évidemment, grave problème. On peut être en chute libre permanente, tomber vers la Terre en permanence, ça veut dire, il faut la rater. Il faut tomber vers la Terre et là, entre guillemets, la rater. Ça veut dire quoi? Vous tombez vers la Terre, alors à peu près, avec la gravité de la Terre, en une seconde, on parcourt à peu près 5 mètres. Donc en une seconde, vous êtes descendu de 5 mètres. Donc les astronautes, en une seconde, descendent de 5 mètres. Mais ils ont aussi un mouvement, si j'ose dire, sur le côté, tangentiel, ils sont en orbite. En orbite, voilà. Et ce mouvement a été communiqué par la fusée qui les a emmenés, par exemple, sur la Station Spatiale Internationale. Ce mouvement est extrêmement rapide. Il est un peu inférieur à 7,7 km par seconde. Arrondissant à 8 km par seconde, ça sera plus simple pour les phrases. Eh bien, en une seconde, ils tombent de 5 mètres dirigés vers le centre de la Terre, sous l'effet de la gravité de la Terre, de l'attraction gravitationnelle de la Terre. Pendant le même temps, dans la même seconde, ils se déplacent de 8 km sur le côté. C'est le mouvement inertiel. S'ils n'étaient soumis à aucune force, en particulier pas de gravitation, ils iraient tout droit à la vitesse de 8 km par seconde, et ils feraient donc 8 km. Mais se déplacer tangentiellement au bord de la Terre de 8 km, ça vous fait monter d'une altitude de 5 mètres. Parce que la Terre est ronde. Et avec la courbure de la Terre, se déplacer tangentiellement à la surface de la Terre au point de départ, là où vous êtes, vous fait monter au-dessus de la Terre de 5 mètres. Distance dont vous avez perdu à cause de la gravitation. Et donc, avec ce petit raisonnement-là, on comprend que finalement, on tombe et on se déplace sur le côté en montant d'altitude en même temps. Et au final, on est en orbite autour de la Terre, en chute libre permanente. Alors que la gravité à l'altitude de la Station Spatiale Internationale, elle est assez peu différente de celle du sol. À peu près 1/8 de moins, 12% inférieure à celle au niveau de la mer, par exemple. Donc, elle n'est pas devenue zéro. La pesanteur n'a absolument pas disparu. Elle est plus faible, parce que les astronautes sont plus lointains du centre de la Terre, mais elle n'a pas disparu. Et donc, voilà tout le secret, si j'ose dire, de l'impesanteur. Ce n'est pas la disparition... C'est la disparition, semble-t-il, mais en pratique, on est pleinement soumis à la gravité et seulement elle. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. On poursuit notre émission après cette introduction brillante de Roland Lehoucq sur les effets de la gravité terrestre et ou pas dans l'espace. Avec vous, Pierre Denise, on peut peut-être rappeler que cette gravité, elle a constitué notre physiologie, notre morphologie en tant qu'espèce humaine, mais comme c'est le cas pour de nombreuses espèces. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu dans notre corps humain ce que l'on doit à la gravité et contre quels effets de la gravité on lutte sans en rendre compte? Oui, la vie a été façonné par la gravité. De toute manière, il n'y a pas de vie concevable sans gravité, puisque tout simplement, on ne tiendrait pas sur Terre. Et ce qui est important de comprendre, que la gravité est à la fois une perturbation, c'est-à-dire c'est ce qui nous fait tomber, mais c'est également une référence autour de laquelle notre système nerveux, notre perception, notre motricité s'organise. Et ça explique probablement que le système vestibulaire, c'est-à-dire l'organe sensoriel qui est sensible à la gravité et au mouvement d'une manière plus générale, est le premier organe sensoriel à être apparu dans le vivant. C'est-à-dire il y a plus de 500 millions d'années, il est apparu avant l'audition, avant la vision, et il est étroitement connecté à l'ensemble du cerveau. Et ce qu'on découvre de plus en plus, c'est que des modifications de la gravité va avoir des influences très larges sur l'ensemble des fonctions cérébrales, très probablement du fait de l'ancienneté de ce système et avec le fait qu'il est connecté avec l'ensemble du cerveau. Alors ça, c'est des données qui ont été découvertes depuis récemment, parce que la gravité, eh bien sur Terre, elle est présente en permanence et qu'il est difficile de savoir ce qui survient lorsque cette gravité disparaît. Oui, ça c'est très intéressant parce que c'est un petit peu l'objet de la Station Spatiale Internationale, c'est d'être un laboratoire scientifique pour étudier les effets de l'absence relative de gravité sur des organismes, sur des bouteilles de vin. J'ai vu même aujourd'hui passer ça sur le compte Twitter de l'ami Astropierre. Voilà, c'est un laboratoire scientifique qui est destiné à étudier ces effets principaux. Oui, c'est ça, l'effet de l'absence de gravité. D'ailleurs, ce qui est intéressant, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est il y a eu effectivement des discussions initialement sur la station internationale, au sein des projets, de savoir est-ce qu'il fallait créer une gravité artificielle. Eh bien, la conclusion a été non, d'une part pour des complexités techniques, mais parce que effectivement, comme vous l'avez rappelé, un des buts, même le but principal de cette station internationale, c'est d'étudier l'absence de gravité, ou tout au moins, comme l'a rappelé Roland Le Houx, plutôt l'absence de pesanteur. Mmh. Voilà. Et donc, c'est le seul instrument dont on dispose qui permet d'étudier les effets à long terme de l'absence de pesanteur. Alors, il y a des instruments plus économiques, si je puis dire, qui sont, et en particulier qui est un équivalent de l'ascenseur de Roland Le Houx qu'elle a évoqué tout à l'heure, hein. C'est l'Airbus 0G qui est à Mérignac. C'est un instrument scientifique remarquable et tout simplement, c'est un avion dit de manière un petit peu raccourcie qui tombe en chute libre et l'intérieur de l'avion tombe en chute libre en même temps que l'avion. Et pendant plus d'une vingtaine de secondes, on a un pesanteur qui permet de faire un certain nombre d'expériences, bien entendu, compatibles avec cette durée relativement limitée d'un pesanteur. Cette absence de gravité, elle a marqué la conquête spatiale depuis ses tout débuts et elle a tenu les scientifiques d'une certaine façon en souci et curieux, en tout cas, des effets de cette absence. Est-ce que vous pourriez nous faire la liste, alors elle est quand même relativement longue, mais des principaux effets de l'absence de gravité sur le corps humain dans l'espace et pourquoi ça pose problème? Ah oui. Alors, les voyages spatiaux provoquent un certain nombre de perturbations sur la physiologie et toutes ne sont pas liées à l'impesanteur. Hein. Il y a l'isolement, il y a le confinement, il y a les radiations, l'augmentation du CO2. Mais les principaux, effectivement, sont liés à l'impesanteur, hein, plus que l'absence de gravité. Mmh. Voilà. Donc, cet impesanteur va avoir des effets directs. Voilà. Par exemple, les redistributions des masses liquidiennes. C'est-à-dire que sur Terre, les masses liquidiennes, le sang, voilà, est attiré en permanence vers le bas. Et dans l'impesanteur, on a une redistribution des masses liquidiennes vers la partie supérieure du corps qui va avoir des effets indirects sur le système cardiovasculaire assez rapidement. Hein. Donc, il va provoquer ce qu'on appelle un déconditionnement cardiovasculaire, c'est-à-dire l'impossibilité pour le corps, après seulement quelques jours en impesanteur, de lutter contre la gravité. Vous avez tous vu des astronautes ou des spationautes, quand ils reviennent sur Terre, on est obligé de les soutenir, de les porter. Hein. C'est pas seulement parce qu'ils ont une perte musculaire, mais simplement le système cardiovasculaire ne peut plus lutter contre la gravité. Hein. C'est comme ça arrive à tout le monde, lorsque vous levez brutalement la nuit ou après un bain de soleil, vous avez la tête qui tourne, bah, c'est votre système cardiovasculaire qui, pendant un temps très court, a du mal à s'adapter à la gravité, au fait que vous passez de la position allongée à la position debout. Il y a un effet également sur les os et les muscles, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de poids, il n'y a plus de contraintes sur les os, donc une démineralisation osseuse, une sorte de l'équivalent de l'ostéoporose. Les muscles qui s'affaiblissent. Il y a également des effets liés à l'hypoactivité. Et enfin, il y a la disparition de la stimulation permanente du système vestibulaire, c'est-à-dire que c'est une partie de l'oreille interne, ce qu'on appelle l'organe de l'équilibration. Sur Terre, il est stimulé en permanence par la gravité. Mmh. En gros, ce système vestibulaire, il ne perçoit plus l'accélération qui est due à la gravité sur Terre, et donc du coup, ça crée des troubles, puisqu'on ne perçoit plus l'accélération comme un mouvement, c'est ça ? Voilà, donc ça provoque des troubles d'interprétation, c'est-à-dire que ce système, comme l'a rappelé Roland Lehoucq, on ne peut pas faire la différence entre, et le système vestibulaire non plus, entre la gravité et une accélération linéaire inertielle. Voilà. Et donc, en l'absence de gravité, votre système nerveux apprend à interpréter toute stimulation de ce système vestibulaire comme étant une translation. Et ça va provoquer des remaniements importants du système nerveux qui peut provoquer des troubles qu'il est encore difficile d'expliquer, mais on a des pistes, par exemple des troubles de perception de la distance, une sous-estimation de la perception des distances, et également, ça c'est un peu plus nouveau, une sous-estimation du temps. Voilà, il y a une perturbation de la perception du temps chez les astronautes. Ce qui pourrait avoir des effets très majeurs. Oui, ce qui pourrait avoir des conséquences pour le coup très très compliquées, voire désastreuses, en cas de mission vers Mars. Cette absence de bonne perception des distances et du temps sur des gestes de haute précision, notamment s'il faut atterrir sur Mars, ça pourrait vraiment compliquer la donne. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs l'un des trois problèmes majeurs identifiés par la NASA et pour lesquels il n'y a actuellement pas de contre-mesure, c'est-à-dire de remède, en quelque sorte, pour prévenir ces perturbations. Et il faut résoudre ces problèmes avant qu'une mission vers Mars soit envisageable. Et voilà, et c'est tout le sujet de notre émission, de trouver des solutions techniques et ingénieriales à cette reproduction, entre guillemets, de la gravité. Pierre Denise, on évoquait donc ces soucis-là. Je crois qu'il y a même, alors ça c'est un peu plus anecdotique, mais on grandit dans l'espace aussi. Quand on fait un long séjour dans l'espace, on gagne quelques centimètres qu'on repère évidemment. Oui. Une fois qu'on ressent la gravité sur Terre. Oui, tout à fait, de 5 cm. Donc, c'est dû au fait que les vertèbres s'éloignent les unes des autres, parce qu'effectivement, elles sont plus tassées les unes sur les autres, les muscles s'allongent. Et ça provoque d'ailleurs au début, en particulier en immersion sèche, des douleurs vertébrales importantes, parce qu'on grandit très vite, alors que les muscles n'ont pas eu le temps de s'étirer. L'immersion sèche, on en parlera tout à l'heure dans le reportage, mais sachez que vous grandissez tous les jours ou toutes les nuits un petit peu et que vous vous retassez le matin, parce que quand on est allongé pour dormir, effectivement, on se réveille plus grand qu'on ne s'est couché. Ça, c'est pour le, si vous voulez briller en société. Roland Lehoucq, on comprend que donc il y a plein de problèmes liés à cette absence de pesanteur dans l'espace, des problèmes qui préoccupent les chercheurs autour de la conquête spatiale depuis les débuts. Est-ce que depuis les débuts, justement, on cherche à trouver des moyens, des ersatz de gravité et des moyens de reproduire une forme de pesanteur dans l'espace? Oui, absolument. C'est-à-dire que les pionniers de l'astronautique ont imaginé, bien sûr, d'abord des fusées. C'est le cas de Konstantin Tsiolkovsky, un Russe, qui a imaginé des fusées à propulsion à réaction et à carburant liquide. Donc, ont imaginé les fusées, mais ils se sont aussi posé la question d'un habitat spatial, de ce qu'on appellerait maintenant une station spatiale. Et c'était pas le cas de la première proposition qu'a fait Tsiolkovsky, mais dans sa seconde proposition de station orbitale, il a imaginé qu'elle était en rotation autour d'un axe, son axe de symétrie, son axe de révolution, et que la rotation de la station provoquerait sur ses parois latérales, les parois qui sont en mouvement finalement, une gravité artificielle due à la force centrifuge, à l'accélération centrifuge qui résulte de la rotation. Accélération centrifuge qu'on ressent très bien quand on est sur un manège, par exemple, dans une voiture qui vire, eh bien, on sent bien qu'on est poussé vers l'extérieur du virage, c'est-à-dire vers l'extérieur du cercle de rotation. Et puis, en 1928, il y a aussi un ingénieur slovène, s'appelle Hermann Potočnik, qui a aussi imaginé une station orbitale assez sophistiquée, bien plus détaillée en réalité que celle que ne proposait Tsiolkovsky, qui s'est plutôt intéressé aux fusées. Et là, il avait vraiment, il était rentré dans quelques détails d'ingénieur, disons. Et donc, il avait tout à fait proposé qu'elle soit en rotation sur elle-même. et qu'il y ait tout un système d'escaliers qui permettent d'accéder des parois latérales. Alors, il faut imaginer cette station comme une sorte de grande roue orbitale, une sorte de roue de vélo, si j'ose dire, ou de cage de hamster, disons. Et on est sur les parois latérales. La roue est en rotation autour de l'axe habituel d'une roue, qui est perpendiculaire à peu près à son plan. Et il avait imaginé des systèmes d'escaliers qui permettaient d'aboutir au moyeu, c'est l'endroit où arrivaient les vaisseaux. Et ensuite, on descend, enfin, on marche sur un escalier, et en marchant cet escalier, on arrive dans des zones de gravité incrémentalement grandes au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'axe de rotation, puisque la force centrifuge, l'accélération centrifuge dépend de deux choses, l'éloignement à l'axe de rotation, le rayon, on pourrait dire, la distance à l'axe de rotation, et puis la période de rotation de la roue. Et on va voir que cette force centrifuge est éminemment importante. Absolument. Dans la conception actuelle de vaisseaux spatiaux qui reproduiraient un semblant de gravité dans l'espace. Restez avec nous parce qu'on va justement en parler dans quelques instants et on fera également un petit détour, et pourquoi pas, par la science-fiction. À tout de suite. Dans la méthode scientifique sur France Culture, puisque nous parlons tout au long de cette heure de l'absence de gravité ou d'impesanteur dans l'espace et des conséquences que cette absence pourrait avoir sur les longs voyages spatiaux. Nous en parlons avec Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, et avec Pierre Denis, professeur des universités, praticien hospitalier en physiologie médicale à l'université de Caen-Normandie. Alors, on a évoqué les principes physiques de la gravité et les effets de son absence sur la physiologie d'un corps humain dans l'espace. On en vient à présent au reportage du jour. Pour ce reportage, j'ai rencontré Guillemette Gauquelin-Corr, qui est responsable des sciences de la vie au CNES. Elle nous explique en quoi consistent des expériences dites d'immersion sèche et de bed rest qui permettent d'étudier au sol l'absence de gravité. Et elle évoque également des possibilités d'expériences réalisées à terre en centrifugeuse pour compenser cette absence de gravité. L'immersion sèche, en fait, elle date depuis très longtemps. En fait, elle date depuis la Russie, dans les années 70, où les astronautes s'entraînaient régulièrement, en fait, dans les piscines pour pouvoir travailler en apesanteur. En fait, on s'est rendu compte que ce genre d'expérience simulait vraiment les effets de la microgravité. Donc, les sujets, en fait, sont dans une baignoire, thermostatée, bien sûr. Ils restent dans cette baignoire entre 3 et 7 jours. En fait, en France, on fait des expériences entre 3 et 7 jours. À Moscou, ils sont allés jusqu'à 56 jours, ce qui est complètement énorme. Donc, les sujets, de façon à ne pas macérer dans l'eau, ont une toile entre l'eau et le corps, de façon à ne pas macérer. Donc, ces sujets restent pendant 3 jours à 7 jours et ont des expériences scientifiques exactement comme cas de bed rest. Alors, ils sont levés une fois par jour pour faire leur toilette, mais ils sont levés toujours dans la position, enfin ils sont pas levés en fait, ils sont mis dans une position à moins 6 degrés de façon à toujours simuler la pesanteur, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais levés debout. Pour les examens, les IRM, etc., c'est pareil, on les met sur des brancards à moins 6 degrés de façon à maintenir cette redistribution des fluides. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une redistribution des fluides très rapide avec cette technique. Donc le sang qui est dans la partie inférieure du corps monte dans la partie supérieure du corps, les muscles sont totalement atrophiés et les os également ne travaillent plus du tout. Donc en fait, c'est une simulation d'apesanteur qui est beaucoup plus rapide, les effets physiologiques sont beaucoup plus rapides qu'en cas de bed rest par exemple. Vous parliez de bed rest, quelle est la différence entre le bed rest et l'immersion sèche? J'imagine que dans le bed rest, il n'y a pas le paramètre aquatique. Oui, il n'y a pas le paramètre aquatique. Et en plus, donc le bed rest, en fait, les sujets sont alités pendant un certain temps. Donc on a fait des expériences entre quelques heures et jusqu'à 3 mois, en fait, d'alitement. Et c'est pas exactement les mêmes sensations pour les sujets, puisqu'en fait, ils sont alités, donc ils ont toujours la proprioception au niveau du matelas. En fait, ils tiennent au niveau du matelas. Alors que dans l'immersion sèche, ils n'ont plus du tout aucune proprioception. Donc les effets sont beaucoup moins rapides. Les effets sont également très similaires à ceux de l'impesanteur. Et ces expériences-là, en fait, pareil, ont été conduites de façon totalement fortuite, en fait, puisque c'était les astronautes russes, quand ils revenaient de leur mission, qu'on couchait normalement dans un lit, avaient l'impression de glisser. Et en fait, on s'est dit, il va falloir les remonter de façon à ce qu'ils tombent pas pendant la nuit. Et donc, on a relevé les pieds du lit, et les astronautes ont dit, oh, quand on est à peu près à moins 6 degrés, on a les mêmes sensations qu'en vol. Et en fait, les expériences ont commencé à ce moment-là, et on a vu que les effets étaient similaires à ceux du vol pour les os, pour la redistribution des volumes plasmatiques, pour les muscles, etc. Vous conduisez en ce moment des expériences d'immersion sèche avec des candidates qui ne sont que des femmes. Pourquoi avoir fait le choix de n'étudier que des femmes? Et quels résultats vous obtenez à partir de cette étude, si tant est qu'il y ait déjà des résultats disponibles? Alors en fait, effectivement, on vient de conduire c'est le MEDES, la clinique spatiale française, qui a conduit une expérience fin 2021 sur 20 femmes en immersion sèche pendant 5 jours. Alors pourquoi avoir fait ça sur des femmes? Parce que de toute façon, il y aura de plus en plus de femmes cosmonautes, puisqu'on sait qu'on espère que ça sera une femme qui mettra les pieds sur la Lune, enfin maintenant. D'autre part, on a besoin de standardiser en fait toutes ces expériences, parce qu'il y a des expériences qui sont faites à Cologne, qui sont faites en France, qui vont bientôt être faites dans d'autres pays. Donc en fait, on a besoin de standardiser les expériences en disant, avant l'immersion sèche, on fait telle mesure, après l'immersion sèche, on fait telle mesure, et ensuite on compare en fonction des pays où les expériences ont été faites. Ça, c'est la première chose. Donc on a voulu faire une standardisation des expériences, des résultats physiologiques chez des femmes, donc pour la raison que je viens de vous décrire. Et il y a une nouvelle immersion sèche qui va être faite également de 5 jours chez 20 hommes, de façon à comparer les résultats avant et après chez l'homme et chez la femme. Quels autres éléments, du coup, vont devoir être conduits après ces expériences d'immersion sèche? Est-ce qu'il y a d'autres expériences peut-être d'une durée différente, avec des méthodologies différentes qui pourraient être envisagées, ou bien est-ce que, en l'état actuel des choses, ce sont les meilleurs, le bed rest et l'immersion sèche, les meilleures expériences de reconstitution de cette absence de pesanteur? Pour l'instant, c'est les meilleures expériences au point de vue, pour étudier la physiologie, hein. Mais on a bien sûr toutes les expériences de confinement dans les bases antarctiques, à Moscou, avec un confinement de très longue durée, puisqu'on est en train de participer à un confinement de 8 mois. On aura 2 confinements de 1 mois, de 1 an. Mais en fait, c'est un peu différent, c'est pas vraiment pour faire de la physiologie de base, c'est essentiellement pour tout ce qui est psychologie et pour tout ce qui est modification des rythmes circadiens, etc., que l'on a quand même pas beaucoup de problèmes psychologiques, on va dire, dans les expériences d'immersion sèche ou de bed rest. Alors prochainement, on va faire, à partir de l'année prochaine, on a programmé une expérience de bed rest de 2 mois chez des sujets hommes, avec des contre-mesures, puisque quand même le but des bed rest, c'est non seulement d'avoir la physiologie de base, mais également de pouvoir tester des contre-mesures, parce qu'on peut pas les tester directement dans la station, il faut quand même les tester au sol avant, avec justement des expériences de gravité artificielle et d'exercice physique. Donc on s'est rendu compte qu'une seule contre-mesure n'était pas valable, c'est-à-dire que de l'exercice physique, que de la gravité artificielle, c'est pas valable. Ça mène pas pour tous les systèmes en fait. Ce qu'on veut, c'est une contre-mesure qui améliore tous les systèmes, cardiovasculaires, osseux, musculaires, métaboliques, etc. Donc en fait, on va faire un bed rest avec des sujets contrôle, des sujets avec de la gravité artificielle et des sujets avec de l'exercice physique plus de la gravité artificielle. Donc là, on espère toucher un peu plus du système. Donc ça sera une expérience de 2 mois. Quand vous parlez de gravité artificielle, à nouveau, à quoi correspondent ces expériences-là? De quel dispositif on parle? Alors en fait, on centrifuge des gens dans une centrifugeuse à bras courts. On les remet donc en état de gravité, on va dire, c'est-à-dire qu'on essaie de faire redescendre le sang de la partie supérieure du corps dans lequel il est piégé dans la partie inférieure du corps. Alors on a déjà fait des expériences de gravité artificielle. On en avait fait sur en centrifugeant les personnes 30 minutes par jour pendant la maîtresse de 2 mois. Et on avait fait également de la gravité artificielle séquencée, c'est-à-dire qu'on faisait 5 minutes de gravité, on les laissait reposer 5 minutes, 6 fois 5 minutes de gravité, pour voir si effectivement il fallait des gravités plutôt longues de 30 minutes ou s'ils préféraient les gravités intermittentes. En fait, il y a peu de résultats, mais là encore, on n'a pas été satisfait des résultats, on n'a pas eu une contre-mesure valable pour tous les systèmes physiologiques. Voilà pour ce reportage au CNES. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Pierre Denise? Oui, c'est effectivement des études que beaucoup d'agences spatiales maintenant développent, donc le CNES, hein, l'agence spatiale française, mais également européenne, les agences spatiales, la NASA. Et l'immersion sèche est particulièrement intéressante parce que, en fait, c'est presque pas une impesanteur simulée, c'est pratiquement une vraie impesanteur, parce que le corps, il est constitué essentiellement d'eau. Lorsqu'on le plonge dans l'eau, il n'a plus de poids, il est vraiment en apesanteur. Alors, presque en apesanteur, parce que la tête reste en dehors de l'eau, et en particulier, l'oreille interne, dont je vous parlais tout à l'heure, le système vestibulaire, lui, continue à être soumis à la gravité. Donc, ça ne va provoquer qu'une partie des anomalies qui sont observées chez les astronautes lors des vols de plus ou moins longue durée en apesanteur. Une réaction, Roland Lehoucq, qu'est-ce que vous venez d'entendre? Oui, je pense que ça va être des expériences particulièrement éprouvantes, en tout cas pas faciles à faire. Centrifugeuse. Pas sûr, ouais. Alors entre la centrifugeuse, au moins ça a le mérite de durer pas très longtemps, alors que les immersions sèches ou bed rest, faut rester des jours entiers. Bravo pour les ceux qui sont d'accord pour faire avancer la science en se prêtant à ces expériences. Je le disais en introduction de cette émission, la science-fiction donc spatiale met régulièrement en scène des vaisseaux où l'équipage ressent par une espèce de magie la gravité, un petit peu comme sur Terre. Alors on peut penser à Alien, à 2001 l'Odyssée de l'espace, à Interstellar, à Star Wars, mais ça n'est pas toujours vraisemblable. Alors Roland Lehoucq, on vous sait fan de science-fiction, on peut peut-être commencer par les mauvais élèves, les mauvais points. Dans quel film de science-fiction c'est totalement invraisemblable que les humains ressentent une gravité de la sorte? Alors, on pourrait prendre Star Wars, prenons un mauvais élève canonique, si je veux dire, où il y a beaucoup de choses pas terribles du point de vue de la science dans Star Wars, ça a d'autres qualités, mais pas celle-là. Les vaisseaux, si on prend par exemple le Faucon Millenium, fait des acrobaties incroyables dans l'espace, dans tous les sens. Donc, à chaque fois que le vaisseau change de trajectoire, il était en ligne droite. Il pouvait être accéléré par ses réacteurs. Donc là, il y avait une accélération, comme dans la fusée de Tintin. Les passagers peuvent ressentir à l'intérieur une pesanteur artificielle, une gravité artificielle à cause de cette accélération du vaisseau. Très bien. Donc, il y a un plancher quelque part où ils peuvent circuler. Très bien. Et puis, maintenant, il change de trajectoire, il fait des cabrioles, il évite les chasseurs taille, enfin, il fait tout un tas de trucs. Et là, évidemment, comme il change de direction, il peut en plus changer de vitesse, c'est-à-dire, il change de direction, sa vitesse change de direction, et son module, la vitesse à laquelle il se déplace, elle-même change. Donc, il y a accélération, si j'ose dire, deux fois, par changement de direction et par changement d'intensité ou de la valeur de la vitesse. Et bien là, ça fait changer le plancher, d'une certaine façon. La direction, la gravité qui est en sens opposé à l'accélération, elle change en permanence de direction. Donc le plancher devient le plafond, les murs deviennent le plancher, enfin, etc. Enfin, ce qui était les murs avant, bref, on ne s'y retrouve plus. Alors, comme en réalité, dans le vaisseau, il semble qu'il se déplace toujours sur le même plancher, avec toujours le même plafond, les mêmes parois, ça veut dire qu'indépendamment des cabrioles du vaisseau, il y a un dispositif magique qui impose une gravité majoritaire et en dépit des variations permanentes, qui donne une direction privilégiée. Le plancher est ici, le plafond est là, et l'affaire est réglée. Donc ça, on ne sait pas bien comment ils font, parce qu'il faut non seulement qu'ils le fassent, ces dispositifs, au milieu de rien, dans l'espace, sans accélération particulière, même le vaisseau au repos, ils sont posés sur le sol. Et puis en plus de ça, quand il y a des accélérations très variables dans tous les sens, et qui devraient normalement perturber considérablement même cet équilibre ou cette situation initiale. Bref, dans Star Wars, dans les vaisseaux interstellaires habituels de la science-fiction, c'est assez difficile à comprendre. Après, il y a des endroits qui sont plutôt des, on va dire, des bons élèves de ce point de vue-là. Par exemple, si on prend le film Interstellar, le vaisseau que prennent les humains pour partir de la Terre et se rendre vers le trou de ver qui est en orbite autour de Saturne, eh bien, ils ont un petit vaisseau qui s'appelle Ranger, je crois, ou, enfin, il a un nom, évidemment, comme toujours. Et il est, au départ, l'astronaute Cooper rentre dans le vaisseau, il est en impesanteur, et il lance une commande qui déclenche sur la partie latérale du vaisseau des petits fusées, des petits propulseurs qui mettent ce vaisseau en rotation, et là, il acquiert une gravité artificielle due à la rotation du vaisseau. Donc ça, très bien fait. Sauf que, évidemment, ça, c'était au début. Puis après, il est toujours en pesanteur artificielle. On ne le voit pas arrêter, démarrer, enfin bref, faire des cabrioles aussi. Et ça se passe comme d'habitude avec les autres. Mais au début, c'est très bien fait. Alors cet effet, justement, circulaire de rotation, pourquoi est-ce qu'il est aussi nécessaire que ça à la reproduction d'une pesanteur dans l'espace? Vous évoquiez donc tout à l'heure ces projets, même depuis la nuit des temps, entre guillemets, de la conquête spatiale, de rotation, de vaisseaux en rotation. Pourquoi la force centrifuge est-elle aussi nécessaire pour reproduire la pesanteur? N'importe quelle accélération reproduira une pesanteur artificielle. Si c'est une accélération linéaire, autrement dit, on vous pousse aux fesses, si j'ose dire, un réacteur qui vous pousse dans le dos et vous accélérez dans la direction opposée, eh bien du coup, très bien, vous ressentez une pesanteur artificielle, c'est comme dans Tintin, simplement, elle ne dure que tant que l'accélération dure. Donc il faut propulser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si le problème, coupez, c'est qu'il faut que ce soit linéaire aussi. Et il faut que ça sera en ligne droite et ça vous fixera un plancher, un plafond et tout ira bien. Bon, le problème, c'est que vous n'allez pas propulser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y aura bien un moment donné, il y aura plus de carburant. Enfin, ça va être compliqué. Donc, une façon de garder cette accélération en permanence, là, c'est une accélération par changement de l'intensité de la vitesse. Vous augmentez la vitesse en permanence. On peut aussi faire changer la direction de la vitesse. Et si vous êtes en rotation à vitesse constante, la vitesse est constante. Vous êtes en rotation à quelques centaines de kilomètres par heure, par exemple, sur la paroi latérale de votre, appelons ça la roue de hamster ou la cage de hamster. Mais la partie, la direction de la vitesse change à chaque instant puisque vous êtes en rotation. Et donc, vous subissez l'accélération qu'on appelle centrifuge. Et là, ça vous plaque sur les parois latérales de la roue, de la cage de hamster. Et du coup, c'est tranquille. On met une fois le vaisseau en rotation, ou la cage de hamster en rotation, comme dans Interstellar avec des petits propulseurs latéraux. Et puis, dans le vide de l'espace, il y a très peu de frottement, pour ne pas dire pas de frottement. Et du coup, vous tournez ad infinitum. Vous tournez, vous tournez, vous tournez sans arrêt, et votre pesanteur est créé une fois pour toutes. Alors, là où ça pose problème, c'est qu'il faut que les dimensions de cette roue soient suffisamment amples pour que les effets de la force centrifuge ne soient pas nocifs. On n'a pas parlé de la force de Coriolis, qui est aussi un rôle à jouer. D'abord, c'est l'accélération centrifuge qui dépend du rayon de la roue et de sa période de rotation. Alors pour fixer les idées, pour avoir une accélération d'en gros 1G, une gravité terrestre sur les parois latérales de cette roue de hamster, avec si elle a un rayon de 10 mètres, il faut que cette roue fasse 10 tours en une minute, un tour en 6 secondes. Donc, bon, ça tourne. Voilà, c'est fait, ok, ça marche. 10 tours par minute, c'est beaucoup trop. 10 tours par minute, c'est pas mal. Alors, c'est assez rapide, mais quand vous êtes dedans, vous dites, vous marchez sur la paroi latérale, vous dites, c'est bon, la gravité est bien. Alors, le petit problème, c'est que donc cette gravité artificielle, cette force centrifuge, ou cette accélération centrifuge, elle dépend de la distance à l'axe. Bien. Alors, quand la roue fait 10 mètres, et que vous êtes un humain qui, mettons, en chiffre rond, fait 2 mètres, c'est-à-dire votre tête n'est qu'à 8 mètres de l'axe de rotation, alors que vos pieds, eux, sur la paroi latérale, sont à 10 mètres. Et donc, ils subissent pas exactement la même accélération. C'est-à-dire qu'entre mes hanches et mes pieds, j'aurais pas même la même sensation de gravité. Vous aurez pas la même sensation de gravité. Vous sentirez cette gravité différentielle. Ce qui est présente sur Terre aussi, quand vous êtes debout sur la surface de la Terre, votre tête est plus loin du centre de la Terre que ne le sont vos pieds, et vous avez une très très très très légère force de marée. C'est ça l'idée, force de marée entre votre tête et vos pieds, mais qui est infime, qu'on ne ressent même pas. Là, vous la sentiriez de manière éventuellement plus grande, si le rayon de la roue n'est pas très grand devant la taille d'un humain. Si maintenant vous prenez une cage de hamster dont le rayon fait 100 mètres, bon alors là, 100 mètres, c'est génial, vous n'avez plus besoin de faire que un tour par minute, la perte de rotation devient à peu près 60 secondes, eh bien là, vous êtes 2 mètres sur les 100 mètres, bon, ça va. La gravité, la différence d'accélération centrifuge vous seront moins, on va dire, moins perceptibles. Donc ça, c'est un premier point. Selon la distance que vous adoptez par rapport à l'axe de rotation, vous ressentirez une gravité différente. Et si vous voulez être en impesanteur dans cette roue, il suffit d'aller près de son moyeu, près de l'axe de rotation. Exactement. Alors ça, c'est pour les proportions un peu idéales de ce vaisseau qui permettrait de reproduire une sensation de pesanteur dans l'espace. Le problème, c'est que c'est des dimensions qui sont très conséquentes, comme vous venez de l'évoquer, Roland Lehoucq. Du coup, comment dans l'idée, alors parce que c'est pas complètement farfelu ni de science-fictionnesque, il y a quand même des projets qui réfléchissent. Comment est-ce qu'on pourrait envisager le déploiement d'une telle roue? Est-ce qu'il y a déjà des choses alors, qui sont imaginées? Il y a eu un projet de la NASA qui s'appelle Nautilus X, un projet qui date de 2011, mais qui n'a jamais été, il a été chiffré, il a été imaginé techniquement dans un certain nombre de détails techniques, mais il n'a jamais été mis en pratique. L'idée, c'était de mettre une roue qui ferait à peu près 7 à 8 mètres de rayon. Pas très grande, mais qui permettrait d'abord avec un premier test, un premier module de test qui aurait éventuellement été accroché à la station spatiale internationale, puis éventuellement ça aurait été carrément un module de un module de déplacement, ça aurait été éventuellement un vaisseau par exemple pour aller vers Mars, où les astronautes auraient passé peut-être une grande partie de leur temps en impesanteur, dans un vaisseau non propulsé, en chute libre finalement, mais en chute libre cette fois-ci dans le système solaire, être en chute libre, en chute libre autour du Soleil, puis être en chute libre autour de la Terre. Et ils auraient passé leur temps de sommeil, par exemple, ou des temps variables, on en parlait tout à l'heure dans le reportage que vous avez fait, des temps pour lutter contre les effets de l'impesanteur. Ils auraient passé dans cette roue qui n'avait pas un grand rayon, mais qui aurait permis, si on est allongé, cette fois-ci, si on n'est pas debout, mais cette fois-ci, si on est allongé, alors là, tout l'ensemble du corps subit une accélération centrifuge à peu près uniforme et se retrouve, disons, soumis à la gravité telle qu'il pourrait l'être s'il était, nous, allongé sur le sol terrestre. Donc ce projet n'a jamais été réalisé en pratique, il a été pensé, réalisé. Il a été chiffré à 4 milliards de dollars. Bon, il y a un certain nombre de problèmes techniques qui se posent aussi, parce qu'il y a une partie en rotation. C'est-à-dire que la station spatiale internationale telle qu'elle est là, c'est des cylindres connectés les uns aux autres, avec toute la difficulté qu'on a pu avoir pour la monter. Il faut que ce soit étanche, etc. Bon, mais là, il y a une partie qui tourne, et donc il faut connecter la partie fixe, l'axe, et donc la station, à la partie mobile qui est un autre morceau. C'est un autre morceau. Il y a deux stations. Il y a le bout qui tourne et le bout qui ne tourne pas. Ouais, et donc, il y a la partie mécanique de jonction de ces choses-là. Il n'est pas si simple à faire. Il faut qu'il n'y ait pas trop de frottement parce que sinon, il faut relancer régulièrement. Câble. Est-ce qu'il faut imaginer une structure? Il faut qu'il y ait des connectiques électriques. Il faut qu'elles puissent se maintenir. Il faut que ça se fasse dans le vide de l'espace. Il faut que ça se fasse dans les conditions spatiales, à la fois de vide, de température, enfin, de contraintes spatiales. Bref, j'avoue après que ma science s'arrête là, je peux imaginer un certain nombre de difficultés techniques qui ont pu se dire, bon, finalement, on va pas le faire, on va pas le tester, ça va coûter cher et c'est pas sûr que ça marche. Et puis, comme le disait tout à l'heure notre collègue, on a intérêt, enfin, d'une certaine façon, on étudie aussi les aspects physiologiques de l'impesanteur, autant la garder. Enfin, ça pourrait être intéressant de tester les effets physiologiques d'un balancement, d'un échange entre pesanteur et impesanteur à des rythmes fixés. Mais la NASA ne renonce pas complètement à ce type de projet, puisqu'elle a un programme qui est baptisé Innovative Advanced Concept, et là je crois qu'il y a un des projets qui vient d'être financé pour une phase 2, qui vise justement à mettre en place une structure qui permettrait de simuler la gravité au sein d'une station spatiale mesurant plus d'un kilomètre. Alors là, bon, après, on est sur des dimensions assez colossales. Pour une station, mais c'est vrai que pour Mars, il faudra quelque chose de pas trop grand si c'est un vaisseau martien, parce que la difficulté qui va se poser, c'est que ces astronautes, une fois arrivés à Mars, très bien, le voyage dure 6 mois, c'est déjà la durée typique des voyages en impesanteur, enfin des séjours en impesanteur sur la station spatiale internationale. Après, il faut descendre sur Mars. Donc, il y a tous les problèmes physiologiques dont parlait Monsieur Denis, mais il faut marcher sur Mars. Dans une gravité qui est plus faible que celle de la Terre, 38%, mais elle n'est pas nulle. Il faut sortir tout seul. Il n'y a pas d'infirmier, de médecin, de kiné qui vous attendent là-bas. Ouais. Il faut se débrouiller tout seul. Et ça, Pierre Denise, ça pose quand même un... Bon, ça, on voit qu'on n'y est pas encore tout de suite. Vous écoutiez à l'instant donc Roland Louk parler de cette force centrifuge, du fait que selon que l'on est plus ou moins grand et plus ou moins près du centre de ce tore, enfin de ce cercle en rotation, on n'a pas les mêmes effets de gravité. Tout ça, finalement, c'est des choses qu'il faut prendre en considération parce que, au long cours, ça peut avoir des effets physiologiques très importants. On évoquait aussi le fait que la planète Mars n'a pas la même gravité que la planète Terre. Est-ce que, du coup, il faudrait envisager, Pierre Denis, des vaisseaux spatiaux qui reproduiraient d'emblée la gravité de la planète Mars, ou bien est-ce qu'il faudrait envisager des évolutions ponctuelles, des exercices pendant le vol de centrifugeuses? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Oui, alors... Effectivement, un vaisseau qui pourrait reproduire une gravité équivalente à celle de la Terre, ou tout du moins suffisamment importante pour limiter les modifications physiologiques, serait intéressant, mais pas pour aller sur Mars. Pourquoi ? Parce que on l'a vu, c'est un système qui serait extrêmement coûteux. Hein, Roland Lehoucq a rappelé toutes les difficultés, même pour le projet Nautilus X, qui était relativement modeste, les coûts importants que pouvait avoir ce projet. Alors, pourquoi ça aurait assez peu d'intérêt sur Mars? Parce que, comme vous l'avez rappelé, un voyage sur Mars, c'est 6 mois. Et c'est actuellement la durée des missions sur la station internationale. Mmh. D'ailleurs, c'est pas un hasard. Voilà. Et ce sur quoi travaillent les agences, c'est plutôt que de reproduire une gravité qui serait extrêmement coûteuse, c'est de mettre au point des contre-mesures qui permettraient d'empêcher ou de limiter les modifications physiologiques. Mmh. Et parmi ces contre-mesures, il y a la gravité artificielle, mais non pas considérée comme mettre une gravité permanente, c'est ça, oui, dans le vaisseau, mais utilisée comme un médicament, en quelque sorte, une contre-mesure. Voilà. C'est-à-dire que façon que les astronautes dans l'ISS pratiquent du sport au quotidien, il y aurait une séance de centrifugeuse en complément. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc, dans Nautilus X, comme l'a rappelé Roland Lehoucq, la difficulté, c'est que ces deux stations, hein, une qui tourne, le cousin de pas, eh bien, la solution, c'est de faire tourner une centrifuge à l'intérieur du vaisseau. Voilà. Donc là, il reste beaucoup de problèmes. Quel niveau de gravité? Quelle durée? Tous les problèmes que vous avez cités, c'est-à-dire que la gravité artificielle ne sera pas la même au niveau de la tête, au niveau des pieds. Voilà. Mais comme les astronautes sont statiques, hein, donc un certain nombre d'anomalies n'auront pas peu d'importance. Voilà. Mmh. Couplé avec d'autres contre-mesures, comme l'a rappelé Guillemette Gauquelin, des plateaux vibrants, etc. Voilà. Donc, l'idée, c'est plutôt de mettre au point des contre-mesures, qui sont pas encore, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, et qui sont pas encore complètement efficaces, en particulier sur les troubles perceptifs, voilà, pour lesquels, actuellement, il n'y a pas de contre-mesures efficaces, et c'est quelque chose qu'il faut, il reste quelques années aux agences pour mettre au point ces contre-mesures. Et Pierre, en revanche, pour des missions plus longues, hein, on peut imaginer que un jour on ira sur des planètes plus lointaines ou des voyages interstellaires qui pourront durer des années. Mmh. Là, évidemment, s'il n'y a pas d'hibernation artificielle, dont vous avez parlé dans une mission précédente, antérieure, il faudra nécessairement une gravité artificielle. Donc, construire des vaisseaux de plus grande taille. Ou alors, y a un projet actuellement avec d'accoupler 3 Starship, c'est-à-dire que les vaisseaux de SpaceX, mm-hmm, qui sont destinés au voyage interplanétaire, un au milieu et 2 qui sont reliés au vaisseau central par une structure légère et le tout tournant autour du vaisseau du milieu. Voilà. Mm-hmm. Donc c'est pas une grande roue, c'est juste 3 vaisseaux, voilà, qui tournent autour les uns autour des autres. Voilà, mais ça oblige quand même à envoyer 3 vaisseaux au lieu d'un seul. Bon, dit comme ça, ça a l'air plutôt fastoche, mais on l'a compris, il y a quand même plein d'obstacles encore à franchir, mais bon, on comprend aussi que l'exploration interplanétaire peut avoir des conséquences sur notre recherche fondamentale, sur notre compréhension de notre physiologie, et c'est déjà pas mal. Merci beaucoup à tous les deux, Pierre Denise et Roland Lehoucq, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Natacha Triou, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Amel Boucherka, Eve Etienne, Alexandra Delbo, Nicolas Martin, Olivier Bétard à la réalisation. À la technique aujourd'hui, Hugo Renard. La méthode scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France, et ça, c'est à l'infini.